Chapitre 9. Ce soir-là, au cours du dîner, Wenaël se montra l'étincelant causeur de naguère. Dans la conversation quelque peu superficielle de sa mère et des étrangères, il jetait une note d'esprit, d'observation originale, que saisissait aussitôt la vive intelligence de la comtesse Spelletta. La jeune femme montrait une gaieté qui donnait encore plus d'éclat à sa beauté, singulièrement brillante ce soir. Sa robe d'organdi blanc à larges dessins rouges aurait paru trop voyante, presque vulgaire sur d'autres femmes, mais elle la portait avec une aristocratique aisance et ses tons vifs seyaient à ses cheveux noirs, à son teint chaud de brune, à ses yeux où semblait se concentrer une flamme ardente. Wenaël, quand il la regardait, assise près de lui, distinguait l'éclair de ses bijoux lourds et superbes, le ton mat et doré de ses bras nus. Il songeait, en l'écoutant parler de la Bretagne, avec une admiration qu'il sentait forcée. « Non, elle ne la comprend pas, elle ne peut pas la comprendre. Je l'avais déjà remarqué autrefois, elle détonne dans nos climats. Il lui faut le soleil de son pays ou celui de nos côtes méridionales. Alors, toutes les nuances trop vives qu'elle aime, et cet or, ces gemmes dont elle se pare trop volontiers, s'harmonisent avec la symphonie du ciel et de la mer, vibrant de lumière, des parfums qui grisent et des passions qui brûlent. L'ambre pâle de son teint a besoin d'être dorée par le soleil, et ses yeux, ici, ne doivent pas avoir tout l'éclat habituel. » Après le dîner, les châtelains et leurs invités montèrent à la bibliothèque. Monsieur de Pandelon avait autrefois parlé à la comtesse Spelletta de cette pièce qui était une des principales beautés de Gerlac. Il ne pouvait donc faire autrement que de la lui montrer. Les deux Italiennes admirèrent en connaisseuse. Puis, tandis que Madame de Pandelon et la comtesse Dravini s'installaient commodément pour parler, Wenaël emmena Donia Flavia vers le fumoir. Mais elle s'arrêta dans le salon oriental avec une exclamation d'émerveillement. « C'est admirable !» Ses yeux allaient des tentures de soie sarrasine aux armes damasquinées, aux boucliers niellés, aux coffrets de métal précieux travaillés avec un art incomparable. À la voûte pendaient plusieurs petites lampes de mosquée dont la lumière discrète se répandait sur la splendeur orientale de cette pièce, petit coin des mille et une nuits surgi dans l'austère manoir. « Vous avez réuni cela dans vos voyages ?» Non pas, une grande partie de ce que vous voyez là fut jadis rapportée d'Orient par un de mes aïeux qui y fit, disent nos chroniques, un assez long séjour dans sa jeunesse. C'était Wenaël le maudit, Wenaël le rouge, dont je vous ai, je crois, conté l'histoire. Ah oui, celui qui célébrait des messes noires. Eh bien, il n'avait pas perdu son temps là-bas. Ceci est une véritable collection de merveilles. Contemplez-les à votre aise. Nous fumerons ici, puisque cette pièce paraît tant vous plaire. » Il passa dans le fumoir et revint avec un coffret de cigarettes. La comtesse allait d'un objet à l'autre, visiblement intéressée au plus haut point. Elle était là dans un cadre qui lui convenait, ce décor d'Orient, fait lui aussi pour la lumière qui brûle et qui dort. Entre ses doigts, elle oubliait la cigarette offerte par son hôte, tandis qu'elle le questionnait sur l'origine probable de tel objet qui la frappait plus particulièrement. Chaque fois qu'elle lui parlait, il voyait dans ses beaux yeux noirs l'expression brûlante qu'il connaissait bien. En se détournant pour embrasser d'un coup d'œil toute la pièce, elle répéta « C'est admirable !» Il dit avec un peu d'ironie « Je suis sûre que c'est ce que vous trouvez de mieux dans Gerlach, à beaucoup près. » Elle protesta vivement. « Mais non, pas du tout. » « Allons, avouez-le, je ne m'en froisserai pas. La mélancolique beauté de nos paysages, le charme farouche de nos côtes, la tristesse de mon vieux Gerlach ne sont pas faits pour vous plaire. »« Si, je me sens capable de les aimer, Wenaël. » D'un mouvement souple, elle se rapprocha et il vit tout près de lui ses yeux brillants, son visage ambré, ses lèvres trop rouges qui tremblaient un peu. Il eut un léger sourire de sarcasme. « Non, il vous faut de la lumière, de la joie et le mouvement, le luxe changeant de ce monde élégant où vous avez toujours vécu. La tristesse, la souffrance, vous ne sauriez vivre avec elle. » « Ah, vous croyez cela ? Eh bien, je vous dis, moi, que vous vous trompez. par amour, je m'enfermerai dans une thébaïde avec celui qui a su devenir le maître de mon cœur, et j'y vivrai heureuse, je vous l'affirme. » Heureuse, combien de temps ? L'amour passe quand il n'est pas soutenu par un lien immortel. Et si celui que vous aimez était infirme, incurable, comment supporteriez-vous cette épreuve ? Si celui-là était vous, Winael, je me dirais heureuse toujours. » Sa voix frémissait de passion. Elle pencha vers M. de Pandelon sa tête brune et ajouta avec une ardeur suppliante « Je voudrais vous faire oublier la souffrance que vous haïssez. » « Me faire oublier la souffrance ?» Il la regardait, cette belle Flavia, qu'il aimait en dépit de tout et qui venait le lui dire jusqu'ici. Elle lui rappelait des jours de joie insouciante, d'orgueilleuse griserie, des instants de cette ivresse légère qui n'apportait aucune perturbation dans sa vie de dilettante, d'élégante égoïste. Maintenant encore, s'il le voulait, elle l'aiderait à jeter un voile sur l'avenir menaçant. Elle endormirait son inquiétude et son ennui par la magie de sa beauté, de son amour. S'il le voulait, et pourquoi pas ? Après des mois de sauvage solitude et de terribles souffrances morales, il lui venait à nouveau le goût de la vie. Flavie a lui apporté le souvenir des jours heureux. Pourquoi ne pas les revivre avec elle, puisqu'elle s'offrait à lui faire oublier son épreuve ? La tête de la jeune femme s'inclinait jusqu'à toucher l'épaule de Wenael. De ses cheveux sombres s'échappait la senteur fine et pénétrante qui avait ses préférences, autrefois déjà. Lui, silencieux, la regardait longuement. « Wenael !» Ce mot fut murmuré comme une prière passionnée. Il s'écarta d'un mouvement tranquille. Sa voix s'éleva avec un léger accent d'ironie. « Voyons, Dona Flavia, ne jouons pas aux amoureux. Ce temps-là est passé pour nous. »« Il est passé, oui, mais ne peut-il revenir ?»« Non, certainement pas. Je suis fâchée si je détruis des illusions à ce sujet, mais je ne veux pas qu'il subsiste chez vous un doute là-dessus. D'ailleurs, j'ai toujours été sincère à votre égard. N'est-il pas vrai ?»« Oui, c'est vrai, cruellement sincère. » Je me souviens de ce soir, à Cannes, où vous m'avez dit de ces choses dures, avec votre mauvais sourire. J'ai pleuré longtemps quand vous avez été parti. » Elle se tut un moment, puis, regardant en face Wenael, elle ajouta, avec un accent d'amertume, « Ce soir-là aussi, j'ai compris que votre caprice pour moi prenait fin, qu'une autre occupait votre pensée. Eh bien, c'était la jeune fille que j'ai vue aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Une soudaine émotion anima la physionomie de Wenael, jusqu'alors demeurée froide et tranquille. Il dit impérieusement « Que son nom n'intervienne pas ici, je vous prie. Elle n'a rien à faire dans le sujet qui nous occupe. Pardon, puisque c'est pour elle que vous m'avez oublié, à cause d'elle que vous me repoussez maintenant. » Elle se tut, un peu effrayée par la violence contenue dans le regard de Wenael. D'un effort de volonté, il se calma, reprit sa physionomie impassible. Il dit froidement « Votre cigarette est éteinte, Dona Flavia. En désirez-vous une autre ?»« Non, merci. Je ne suis pas en disposition de fumer ce soir. » « Comme il vous plaira. Allons sur la terrasse. Vous verrez la mer éclairée par la lune. » Elle le suivit dans la bibliothèque et de là sur l'étroite terrasse de granit. Ce soir, la mer était calme. La lune argentait les petites vagues courtes, les franges d'écume qui s'agitaient autour des écueils, ces monstres figés, factionnaires sinistres du manoir, tapis à la pointe du promontoire, comme dans l'attente d'une proie. De fait, ainsi que l'expliquait Wenael à la comtesse, les premiers seigneurs de Garlac ne se faisaient pas faute d'attirer sur les récifs dangereux les vaisseaux de passage et de les piller une fois échoués après massacre de l'équipage. Flavie a dit avec un sourire contraint « Vous avez là une belle ascendance de pirate, me semble-t-il. » N'est-ce pas ? D'autant qu'il ne se contentait pas de cela et parcourait les mers environnantes à la recherche des navires trop faibles pour se défendre. Après quoi, ils revenaient enfermer leur butin dans les souterrains de Gerlach et passaient les jours en orgie jusqu'à une nouvelle expédition. Oui, ils étaient bien des pirates complets, mais terribles ancêtres. Heureusement, leurs descendants se sont civilisés. Oui, à la surface du moins, car, au fond, Nous n'attirons plus les vaisseaux en détresse, nous ne dérombons plus les épaves, mais il est probable que certaines pirateries morales ne sont pas moins coupables, en certains cas surtout. » La comtesse lui jeta un regard étonné. Il se tenait appuyé au rebord de granit, les yeux sur la mer qui palpitait sous le doux clair de lune. Son beau profil se détachait, éclairé par la lumière de la bibliothèque où les deux mères continuaient à parler, tandis que Run songeait, en regardant les silhouettes de son frère et de l'étrangère. À l'esprit de Wenael revenait le souvenir d'une parole qu'il avait dite tout à l'heure, une parole étrange dans sa bouche. « L'amour passe quand il n'est pas soutenu par un lien immortel. » Était-ce lui, le sceptique, le jouisseur d'hier, qui l'avait prononcé ? Croyait-il vraiment que cet amour existât et souhaitait-il de le connaître ? Une vive émotion le pénétrait. Oui, certes, il connaissait le cœur qui saurait l'aimer ainsi, dans la joie et dans la douleur, qui ne l'aimerait pas seulement parce qu'il restait quand même le beau Wenael de Pandelon, mais encore parce qu'il souffrait et que son âme paraissait plus précieuse que tout aux yeux de cette jeune croyante. Flavie a été sincère dans l'ardeur de sa passion. Mais il avait trop l'expérience des cœurs féminins pour ne pas prévoir qu'au bout d'un temps plus ou moins long, elle se lasserait d'être la compagne d'un aveugle et retournerait à cette vie mondaine que lui, vraisemblablement, ne pourrait plus mener désormais. Puis, enfin, il ne l'aimait pas. La jeune femme accoudée à la balustrade, près de lui, eut à ce moment un long frisson. Il s'en aperçut et demanda « Sentez-vous un peu de fraîcheur? Voulez-vous rentrer ?»« Non, l'air est très doux, mais je pensais à votre dureté. » Elle levait sur lui, ses yeux assombris par un reproche tragique. En réprimant un mouvement d'impatience, il répliqua avec un peu de hauteur « Je vous en prie, ne revenons plus sur ce sujet. » Je regrette d'être pour vous une cause de souffrance, mais vous-mêmes avez reconnu tout à l'heure que j'ai toujours agi loyalement à votre égard en ne vous leurrant jamais sur la valeur ni la durée de mes sentiments. C'est vrai, mais je voudrais... » Elle appuyait sa main sur le bras proche du sien. Une brûlante supplication passait dans sa voix, dans son regard. « Oh, Wenael, je serais moins malheureuse si je savais que votre cœur est libre, que personne... » Il interrompit avec une froide douceur. « Un tel sujet rentre dans la catégorie des jardins fermés, Donia Flavia. » Elle fit un mouvement en arrière et redressa la tête. Le long collier serti d'émeraude qui retombait sur sa poitrine étincela, touché par un reflet de lumière venu de l'intérieur. « Un jardin fermé ? Oui, mais j'en connais l'occupante. » « Celle que vous aimez, Wenael, c'est la jeune fille de la Bastide, là-bas, cette jolie fille qui s'appelle Annonciade. » Il l'interrompit d'une voix basse et violente. « Laissons-la en dehors de ce débat, je vous le répète. C'est une enfant qui n'a jamais connu le mal que pour le repousser. »« Le mal, c'était vous ? Et comme vous l'aimez ! Oh, comme je sens que vous l'aimez !» La voix de Flavia s'étrangla dans sa gorge. Wenael, les traits contractés, recula un peu, machinalement, offrant son visage à la brise salée venue du large. Puis il se retourna vers la comtesse en disant avec une froide tranquillité « Nous pourrions peut-être rentrer, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça de la tête. Ils vinrent s'asseoir près de la comtesse Dravine et de Madame de Pandelon. La verve de Wenael semblait éteinte. Mais Flavia parla beaucoup, nerveusement, avec des gestes fébriles qui faisaient jaillir de ses bijoux des étincellements fugitifs. Madame de Pandelon la considérait avec une évidente admiration, en reportant de temps à autre son regard perplexe sur Wenael, inattentif et songeur. Quand, vers 11 heures, les étrangères quittèrent la bibliothèque avec leur hôtesse, après avoir pris congé de M. de Pandelon, celui-ci fit à sa sœur un signe qui l'invitait à rester. La porte refermée, il lui dit en désignant un fauteuil « J'ai à te parler très sérieusement, à te demander un conseil. » Run s'assit machinalement. Sa surprise était extrême et elle devint de la stupéfaction quand Wenael, prenant place près d'elle, déclara, en posant la main sur son épaule « On gagne à te connaître intimement, Run. Tu es une femme intelligente, une femme de cœur et je regrette de t'avoir méconnue si longtemps. » Elle leva sur lui ses yeux sérieux qu'un peu de joie animait tout à coup. Wenaël poursuivit. « Un jour, tu m'as parlé au sujet de Mademoiselle Lehennec et j'ai accueilli tes observations avec dureté. Cependant, tu avais raison, tu agissais en véritable ami de cette jeune fille. Je n'ai pu m'empêcher de le reconnaître tout au fond de moi-même. C'est à dater de ce moment que j'ai réfléchi sérieusement au sujet de mon amour pour Annonciade. » Run murmura. « Tu l'aimes ?»« Oui. » Je me suis plu d'abord là-bas à prendre ce cœur tout neuf, tout pur, ignorant les perfidies humaines. Et presque aussitôt, je l'aimais pour sa beauté, pour son charme si nouveau qui me changeait des autres femmes, pour tout l'inconnu délicieux que je devinais en cette âme de jeune fille. Un jour, je le lui dis. Elle s'effaroucha, s'enfuit. Mais à son émotion, j'avais reconnu la réussite de... mon dessein. L'amour était entré dans son cœur. Alors me vint une sorte de remords, disons plutôt de regret pour l'acte mauvais que j'avais commis en troublant la vie de cet enfant. Il s'interrompit, demeurant un moment songeur, les yeux dans le vague. Run l'écoutait avec une attention profonde. Ainsi qu'elle le pressentait, son frère avait passé dans la vie d'Annonciade comme un voleur, emportant la tranquillité, la douce ignorance de ce jeune cœur. « Et maintenant ?» Il reprenait, la voix calme et nette. « Si je te dis cela, Run, c'est pour te faire mieux comprendre l'évolution qui s'est produite chez moi depuis quelque temps, depuis que j'ai revu Annonciade, qu'elle est venue presque chaque jour près de moi. Je ne l'avais pas oubliée au cours de cette année. Je conservais d'elle un souvenir très doux, mêlé de quelques remords. Quand elle m'apparut près de toi, dans la roseraie, je sentis se réveiller tout mon intérêt pour elle, et je voulus la revoir. Je la revis, calme et souriante, se prêtant charitablement à ce qu'elle croyait une fantaisie de malade, et si émue pourtant, pauvre enfant. Ah, c'est peut-être depuis lors que j'ai mieux compris ce qu'elle avait souffert par moi, et je commençais à l'aimer chaque jour davantage. » Par cet amour, par l'exemple de sa résignation courageuse et de sa foi tranquille, elle me rattachait à la vie, éloignait de moi l'épouvante de l'avenir. C'est ainsi que je formais le projet de lui demander si elle accepterait de devenir ma femme. Run dit à mi-voix, « Je le craignais. » « Tu le craignais? Tu as peur de moi pour elle? Cependant, je t'assure que je ne suis plus tout à fait le même depuis que l'épreuve m'a touché. » Autrefois, tout en l'aimant, je l'aurais fait souffrir sans le vouloir. Mais maintenant, il me semble que je saurais mieux la comprendre, que je saurais la rendre heureuse. Puis, aussi, je verrai là une réparation pour le mal que je lui ai causé. Elle m'aime toujours, d'ailleurs, j'en suis certain. Run dit, avec un peu d'amertume, « Tu as tout fait pour qu'il en soit ainsi. Quand je te voyais la regarder, quand je t'entendais lui parler, avec ta voix d'ensorceleur, « Oh, pauvre petite! J'aurais voulu me jeter sur elle et l'emporter au loin. » Pendant quelques secondes, Wenaël considéra sa sœur avec une gravité pensive. « J'ai mérité cette sévérité, Run, et la crainte que je semble t'inspirer. Cependant, je t'affirme que je suis sincère et que mon amour pour Annonciade n'est plus le sentiment voisin du caprice que j'éprouvais pour elle à la Bastide. » Tout à l'heure, il m'a fait repousser, presque sans lutte avec moi-même, les avances de la comtesse Spelletta. Il me suffit de penser à elle pour que tout s'éclaire devant moi et que je voie fuir mes impressions de tristesse, mes tentations et mes colères secrètes contre la destinée. Run, les mains jointes sur ses genoux, écoutait les intonations émues et graves de la voix chaude. Elle était fort perplexe, très impressionnée, au fond, par cette révélation d'une âme un peu nouvelle chez son frère. Au bout d'un moment de silence, elle objecta « Crois-tu qu'elle acceptera? Elle est si croyante, et toi ?» La physionomie de Wenaël s'assombrit un peu. « Je ne sais, peut-être par charité, mais c'est précisément ce que je ne voudrais pas. Run, voici le conseil que je désirais te demander. » Puis-je, avec cette menace de cécité, lui offrir de l'associer à une existence qui sera peut-être bientôt celle d'un infirme ? Oui, puisqu'elle n'ignore pas ton état et qu'elle t'aime. Ah, ce n'est pas ta cécité possible que je crains pour elle, Wenaël, le dévouement et la vie, le bonheur de cet enfant. Mais sauras-tu vraiment la comprendre, ménager les délicatesses de son cœur, respecter sa foi et sa ferveur? Sauras-tu la rendre heureuse, toi qui n'as connu qu'une existence de jouissances égoïstes, de plaisirs insouciants? La voix de Run s'élevait, prenait une intonation de sévérité un peu rauque. Wenaël, les sourcils froncés, eut un mouvement d'impatience. Mais il se contint presque aussitôt et sa physionomie se détendit en un sourire où quelque peu d'amertume se mêlait à l'ironie. « Tu n'as décidément pas bonne opinion de ton frère, Run. Que veux-tu? Les conseils et l'exemple paternel ont porté leurs fruits. Mais tout au fond de l'âme, peut-être reste-t-il quelque chose de bon, un souffle qu'a ravivé l'influence d'Annonciade, aidé par les preuves que je subis. Oui, je crois que je pourrais la rendre heureuse, lui faire oublier mes torts et ne jamais regretter près d'elle mon existence passée. Cependant, elle n'est pas de même situation que toi, sa vie a été simple, elle ignore le monde où tu as toujours vécu. Mais qui ne me verra plus guère. Annonciade a le tact, la distinction naturelle, la finesse d'intelligence qui lui permettront d'acquérir rapidement ce qui peut lui manquer en fait d'éducation mondaine. Oui, j'ai réfléchi à tout cela, Run. J'ai compris aussi qu'elle n'était pas heureuse chez son père et que la vie lui serait plus douce, même près de l'infirme que je deviendrai peut-être bientôt. En effet, elle n'est pas aimée, je crois. Le père est totalement indifférent, les frères et la sœur assez froids, la belle-mère... Annonciade ne s'en plaint jamais. Cependant, je sais que tu as bien deviné, en l'accusant de profiter outre mesure du travail de cet enfant, toujours complaisante et active. En outre, je trouve incompréhensible et coupable de sa part d'avoir permis qu'Annonciade vînt chaque jour ici, près de toi. De lui laisser courir ce risque, même pour rendre service aux malades que tu étais alors. Wenaël eut un rire de sarcasme. Comment, tu n'as pas deviné son petit plan? Mais c'est très simple et bien combiné. Ou, tombant amoureux de la jeune fille, je l'épouse volontairement, ou, cet espoir étant déçu, on me déclare qu'elle est compromise, on fait une grande scène. Tout cela en pure perte d'ailleurs, car je ne suis pas un imbécile et j'aurais fait comprendre à cette machiavélique belle-mère qu'elle n'avait qu'à ne pas introduire elle-même son agneau chez le loup. Enfin, il n'est pas question de cette dernière hypothèse et Madame Le Hennec aura la satisfaction de voir sa belle-fille devenir, si elle le veut, marquise de Pandelon. Run dit pensivement « Tu pourrais avoir raison. » Mais j'en suis sûr, c'est une femme pratique, adroite, ambitieuse. Elle espère sans doute, pour sa famille, ma générosité, celle d'Annonciade, puis encore, mon appui d'homme bien apparenté aux relations influentes. Bref, je suis un gendre extrêmement désirable. Cela vaut bien qu'on sacrifie une enfant charmante, au cœur innocent et sensible, en la livrant à un homme dont on a certainement ouï dire beaucoup de mal, beaucoup plus qu'il n'y en a, peut-être selon la coutume. Ce serait odieux de sa part. Wenaël leva les épaules. Ah, ma pauvre amie, il y a de si tristes dessous dans bien des natures. J'ai contemplé cela jusqu'ici avec une sorte de curiosité en dilettante. Mais maintenant qu'il s'agit d'Annonciade, je ne suis plus sceptique indifférent, presque amusé parfois au spectacle de ces vils nids. Madame Le Hennec ne récoltera pas de ce mariage ce qu'elle en attend, j'en réponds. Je ne puis que t'approuver sur ce point. Sur ce point seulement, tu verrais décidément cette union avec déplaisir. Run soupira en regardant son frère. Sincèrement, oui, Wenaël. Pourtant, je la crois inévitable, étant donné les sentiments d'Annonciade à ton égard et la situation fausse qu'on lui a faite en permettant ses continuels rapports avec toi. En résumé, tu ne veux pas me faire crédit de ta confiance? Soit, je m'arrangerai pour la mériter en dissipant toutes tes inquiétudes. Maintenant, je ne veux pas te retenir davantage, car il est fort tard. Elle se leva en lui tendant la main. « Bonsoir, Wenaël. Réfléchis bien encore, n'est-ce pas, avant toute démarche ?»« Mes réflexions, je les ai faites déjà et ma décision est prise. Bonsoir, Run. Merci de m'avoir écouté. Je ne te garde pas rancune de ta défiance, car elle est assez naturelle. Le contraire serait même peu raisonnable de la part d'une femme intelligente comme toi. » Il l'accompagna jusqu'à la porte de la bibliothèque. Arrivé là, Run s'arrêta et lui prit la main. « Wenael, je voudrais te voir heureux, non comme tu l'as été jusqu'alors, avant cet accident. Annonciade pourra peut-être réaliser ce désir, faire de toi un autre homme. Je le souhaite de toute mon âme. » Elle sortit et Wenael, sur le seuil de la bibliothèque, suivit un instant des yeux sa silhouette sans grâce. Il songea. « Elle n'est pas du tout ce que j'ai cru si longtemps. Ma mère la dédaigne et pourtant... » Un sourire ironique entr'ouvrit ses lèvres tandis qu'il refermait la porte. D'un pas lent, il gagna le fumoir et alluma une cigarette. Puis il écarta le ventail garni de vitraux anciens et s'avança sur les trois perrons de granit. Le petit jardin fermé dormait sous la clarté bleue de la lune. Une brise légère faisait vaciller les feuillages, tels des ombres, dans cette lumière sans vie qui donnait un aspect de mystère à l'enclos, serré entre les vieux murs. Le bruit sourd de la houle de mer, des vagues s'écrasant contre les roches et s'engouffrant dans les grottes, brisait seul l'impressionnant silence nocturne. Du parterre, un parfum d'héliotrope montait jusqu'à Wenael. Il aspira longuement. Pendant un instant, il sembla rêver. Ses traits s'adoucissaient, l'ironie faisait place à une sorte d'émotion pensive. Mais derrière lui, la voix d'Henri prononça respectueusement « Monsieur sait qu'il lui est recommandé, surtout, de ne pas s'exposer longtemps à l'air du soir. » Wenael se détourna et toisa le fidèle serviteur d'un regard où l'impatience se mêlait d'amusement. « Allons, vieux sermonneur, te voilà encore au guet pour me surprendre. Tiens, je vais te contenter en me mettant au lit dès que j'aurai fini de fumer. » Il rentra dans le fumoir, puis gagna le salon oriental et s'enfonça dans les coussins d'un divan. Ses yeux firent le tour de cette salle qu'avait admirée tout à l'heure Donia Flavia. Il pensait à la jeune femme, à l'amour qu'elle lui avait offert. Cette grande dame, belle, riche, très courtisée, se trouvait prête à le choisir entre 100, tel qu'il était maintenant, avec la menace d'une proche cécité. On jugerait donc qu'il ferait un très grand honneur à la fille de Conan le Hennec en la prenant pour épouse. Et lui-même le trouvait au fond. Mais il aimait sincèrement, et elle était la seule qui eût ému son cœur sceptique, la seule qui l'eût obligé à des retours sur lui-même. Tout à l'heure, son souvenir l'avait écarté de Flavia. Il sentait qu'elle ne serait pas pour lui le caprice d'un moment, et qu'à elle seule, il donnerait ce qui existait de bon en lui.